aucun texte légal en Côte d'Ivoire ne condamne cette dame pour ce qu'elle a posé comme acte. C'était un acte patriotique, c'était un acte citoyen. Elle est allée rencontrer des Ivoiriens, du moins les personnes qu'elle estimait être Ivoiriennes. Elle a découvert qu'il y avait 30 légionnaires français. C'est du mercenariat d'État qu'elle a découvert. Et il n'y a aucune loi qui dit qu'elle ne devrait pas poser cet acte. Si vous connaissez une loi, vous pouvez donc me demander, de lui dire merci. Je ne peux pas dire merci pour un droit qui est enfin restitué et rétabli. Cette dame, ce n'est que justice rendue. Sa liberté appelle celle de plusieurs prisonniers politiques qui sont encore détenus dans les geôles du despote sanguinaire d'Abidjan. Nous demandons leur libération. Afrique Média, le monde, c'est nous.